Hey, Ska, c'est Coco Banks. Hey. Ok, c'est Coco Banks, Ska. Fuck un hop qu'il ait des visual novels. J'ai scam Hyper et puis j'ai drop une shovel. Fuck Ethan, il dit que je joue trop à Kenji. Il fait le mec écolo mais c'est sa belle vienne de chier. Ethan c'est un 2003, il a une calvitie à 20 ans. Ethan c'est un tweetos, il fait des tapis d'un plein temps. Fuck un hop qui travaille dans un magasin de sex shop à mi-temps. J'ai dit trop de passe, gros, il me faut une mi-temps. Ethan il voulait aller aux flammes parce que c'est un fan de Jack Lang. Je comprends pas pourquoi ces japonais l'aiment, gros, il parle une autre langue. Ethan j'ai trop de choses sur toi, ta carrière elle est cuite. À l'époque tu faisais des impros pour TK78. Ok. Moi je suis pas comme Coco, je suis fan de 23 rois. Je suis tellement fan, j'avais acheté un masque Galion. Si j'étais 23, j'aurais fait une intro pour Astérion. C'est une bitch, j'ai plus de Rimanion. Le BPM c'est 1-9-3, libéré Ethan Christie. Slap une bitch qui aime pas Rorschach, elle et moi c'est fini. Slap un DDM qui aime pas 3, Charlotte et non binaire. Attends. J'ai flop sur Fortnite, je me sens comme 23 rois. J'ai flop sur CSGO, je me sens comme 23 rois. Ethan il va lancer CS2, il va être rank Plastic 3. J'ai pris que tous mes hops, c'est la calvitie à 23 watts. Fuck un hop qui écoute du Martian. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, j'aime beaucoup Martian en vrai. Ethan c'est mon ref, on vous prend sur Bubble League. Ça c'est un vrai jeu de foot, c'est pas votre mère comme Rocket League. Pinky Pig les invaincus, on vous prend vos petits culs. Vous avez encore perdu, vous retournez dans la rue. Ça faisait déjà 3 ans j'étais à la fac quand Ethan a sorti Galion. Pourtant quand on marche dans la rue ensemble, tout le monde croit que c'est mon daron. Après, au calme, la calvitie, ça lui va bien, on dirait Fred Testo. À l'exception que lui, il aime bien les négros. D'ailleurs, quand il m'a vu la première fois, il a fait gaffe à son portefeuille. Et quand je lui ai caressé son gros crâne chauve, il était au 7ème ciel. Depuis ce jour-là, il ne pense qu'à ça. Après, j'avoue, même moi, depuis que j'ai vu son crâne, je ne pense qu'à ça. J'ai des plans très sombres pour les bâtir de la boule noire, je vais te prendre le cul. Et tant que j'y suis, si je vois toi aussi, je te... Chez moi. C'était Krabi, Sahel et Saïko.